y'a des gens qui ne font rien, qui regardent pousser leurs sous. Y'a des gens qui ne font rien, qui ne font rien du tout. Y'a des gens qui ne font rien, qui joignent les deux bouts. Y'a des gens qui ne font rien, ils sont plus malins que nous. J'ai voulu essayer de ne plus travailler. Je me suis dit, je fais comme eux, je vais me reposer. Mais je l'avoue maintenant que je me suis cassé le nez. Ça m'a l'air difficile de devenir rentier. Un copain l'autre fois m'a donné une idée. Il m'a dit ce que tu as, joue donc au tiercé. Tu vas voir tout l'argent que ça va te rapporter. J'ai joué, j'ai perdu, comment payer le loyer? Y'a des gens qui ne font rien, qui ne font rien du tout. Y'a des gens qui ne font rien, qui joignent les deux bouts. Y'a des gens qui ne font rien, ils sont plus malins que nous. Je n'ai plus que la chanson comme seule consolation. Je n'ai plus mes refrains pour noyer mon chagrin. Je n'ai plus mes couplets pour m'empêcher de pleurer. Mais je n'arrive pas à m'enlever l'idée qu'il y a des gens qui ne font rien, qui regardent pousser leurs sous. Qu'il y a des gens qui ne font rien, qui ne font rien du tout. Il y a des gens qui ne font rien, qui joignent les deux bouts. Il y a des gens qui ne font rien, ils sont plus malins que nous. Y'a des gens qui ne font rien, qui joignent les deux, y'a des gens qui ne font rien, ils sont plus malins que nous.